야. 아. 아. À chaque film, on était sur sauté. On connaît plus les bagarres et tous les murs à sauter. Trop de meufs fragiles mais se faire flotter. Une fois que le navire a coulé, ils veulent le faire flotter. Rien à foutre de la politique, j'ai pas la tête à compter. Le matin, c'est des jeunes avec une bite à router. Que des attaques insolites, rien pas délié. Avec les lances, ça met des coups de tête de bélier. Ouais, ça lève la pécane, par contre, il a Delphi. Poto sur une route, ça prend des selfies. Ça fait la belle vie de Tony Elvis. C'était le père, Selfie, tout tel mère, Selfie. Deux, trois mesures, ils se prennent pour des intello. Pourtant, j'oublie jamais mes frères comme Donatello. Fais voir dans ma team et que des mecs fêlés. J'arrive dans le game trop technique à la Dembélé. J'arrive pour niquer des mères comme d'un punisher. Tu vas payer cher. Je leur amène pas de fleurs, je fournis que des bastos. Tu veux tout monopoliser, on se laissera pas faire. Pourtant, je suis comme Toto, on a mal au cross machinal, quoi. Pour les partenaires, des terres, nos pères. On sait qu'à les pétards et bières dans l'utilitaire. On n'oublie pas d'où on vient, car comme nos pères. Pourtant, chez nous, ça manie de fer. C'est des militaires, ah oui, sous le pull ouvert, arme de guerre. Ça met des coups de couteau, coups de barre de fer. Dans la trahison, ils ont l'art de faire. Discours de sourd, elle aime bras de fer. Ce qu'on a depuis la maternelle. Mais pour l'oser pas donner fraternel. Sa vie comme si tout était éternel. Ça respecte les voyous parce que leur paternel. Toujours opérationnel, abandonné, c'est pour les traîner. Dans la vie, tu peux tout faire, il suffit de s'entraîner. Parfois, vos mères, à tes solos, demandent à béné. On connaît la rue comme toi, et dans tous les cons, on a traîné. On est pour passer le temps, on vient à chercher de quoi gratter. T'es comme salope, ne fais pas la vie, c'est pas mon fraté. Pourtant, ne me tape pas la main, je vais te tarter. Je ne dis pas bonjour au bouquin, flore tarté. Je suis posé au quartier. Je regarde les civils passer, hein, pendant que le vif s'entassait. Ouais, le futur dépend du passé. Parfois les chats sont fermés, les culs sont cassés. Mais on parle pas de gueule. Viking Jolie n'est pas, ils sont comme des gueules. Photo y'a ceux qui agissent, y'a ceux qui gueulent. Ou faire taire les salopes, y'a des airs qui gueulent. Ils redoutent ma gueule, plus qu'ils veulent test, ils coulent. Parle pas si t'assumes pas, photo reste cool. Des terres comme on met Salah à Liverpool. Fais pas la fraîche, remballe ton petit cul de poule. Ils se prennent pour des purs censés les mulets. Ils veulent se mesurer, ils vont se faire enculer. Mexique et magitulé. Freestyle de leur mère, ouais, c'est ce qu'ils voulaient. Ils veulent te faire signer pour me te manipuler. Pour mieux t'entuber. Je suis âgé, je vois les autres. Que des jeunes talentueux à la CGP. Je fais plaisir comme Ismaël en série B. Je reste toujours le même comme Foxy 3 Vendée. Nique sa mère l'industrie, toujours en ND. Monde à Zizi en e-boulevard Aliendé. Ça fait gros bolide, BMW, plaqué D. Les petits saluts pour rien pour prouver. Bossy Herzégovine sous la jaqueta. Contrôle de stup, ils ont rien trouvé. Pourtant, Pistol Walken, un des plaqueta. Juste de putain, ça plaque, on va te pétiner. Trop pulsion sur ta tête, ça va patiner. Tu galères à me suivre, je fais que trottiner. Je fais que compter golos depuis matiné. Plus d'amitié pour mon aimant, gros trahison. Toujours le même béton, le même horizon. Pour des putes, certains ont perdu la raison. Même si nous pardonnons, nous mémorisons. Même si mon pote n'a pas raison, je suis ton côté. Fini dans le besoin, je suis à ses côtés. Plutôt que surestimé, je préfère être sous-côté. Ramène n'importe lequel gros, je le baise en beauté. Je vais les découper, ramène à ses sauteuses. Ils prétendent rappeurs, ils font des rimonteuses. Grosse palette de billets verts dans la conteuse. C'est tout pour la famille, faut que les profiteuses. Donc on vient trop de pute dans la Anita. Juste dedans, juste dehors, comme à la Haïta. On rayable les MC comme du Farita. Tu voulais de la sauce, t'envoies la marmita. Sous la plume, nique à carla, pleine de caneta. On va retourner le rap, tel un coup d'état. C'est tout pour la famille, comme la vendetta. Gros que des mecs rancunis à la Vegeta. Ça apprend à pilote en voiture péta. Déterminé à la Joe Petit. Souvent c'était sec dans leur habitat. Ils avaient les crocs déjà tout petits. Petit fils de...